jusqu'à atteindre le sommet. Mais le sommet est long à atteindre. C'est pas journalistique, c'est pas on lève le poing, mais je crois qu'on peut avoir une grande importance si chacun agit au quotidien quand la liberté et la dignité de la personne humaine est bafouée et chacun peut faire son effort. Et où vont-ils ? Alors en l'occurrence ? Dans ces cas-là, on les renvoie en centre fermé, mais s'ils arrivent à lutter correctement à long terme. Oui, d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Quand ils partent, ils vont où par exemple ? Partent en voyage Non, on parle des sans-papiers. Hein. Eh ben oui, c'est ce que je disais. Oui, donc les personnes sans-papiers sont généralement expulsées de la Belgique. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Ah oui, donc on prend l'avion pour les ramener au point de départ. La chose la plus importante, c'est la liberté de penser, de vivre. Hein. Ça, c'est la chose, tous les pays le réclament. Putain, nous, on l'a, il faut la conserver. Si actuellement, on ne se bat pas pour ça parce qu'on est en train de nous piquer notre liberté en France et en Europe, si vraiment on ne se bat pas pour ça, mais alors on est des ânes, on peut monter tous les groupes du monde qu'on veut. Bien, bonsoir, bienvenue sur Radio Panique 105.4 pour ce premier journal sans papier, une émission qui se voudrait hebdomadaire et qui, face à l'urgence de la situation de détricotage des droits en Europe, en Belgique et ailleurs, qui touche certes les sans-papiers mais également tous les autres, une émission qui se voudrait hebdomadaire mais qui aura besoin des forces des auditeurs et des militants autour de Radio Panique. Nous invitons d'ores et déjà à nous rejoindre pour que cette émission puisse perdurer au cours des semaines qui viennent. Alors, c'est une émission qui est proposée par la rédaction de Radio Panique dans le respect de son indépendance éditoriale, mais donc qui est ouverte à tous pour la participation. Elle touche d'abord au combat des sans-papiers, qui est un combat quotidien avec pour objectif la régularisation, mais au-delà, elle touche aussi à des objectifs à plus long terme qui sont quelle société démocratique voulons-nous en Europe et ici en Belgique. Et nous pensons que la lutte des sans-papiers est une pierre de chape de la question des droits fondamentaux en Europe. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à la rubrique qui est l'événement de la semaine, ou plutôt l'action de la semaine. Alors Patrick, c'est toi qui a réalisé le reportage sur l'action de la semaine. Ben oui, Benoît, mercredi dernier, Place de la Monnaie, le forum Asile et Migration organisait une action qui se présentait de la manière suivante. Sur la place, il y avait une vitrine. Et dans cette vitrine, on pouvait voir 5 personnes qui étaient présentées par un bonimenteur. Donc il est présenté, donc il y avait Tatiana, d'origine russe. Bozidar, d'origine serbe, Marie-Josée, qui était d'origine congolaise, Samir, du Maroc, Eva, de Colombie. Et ces cinq personnes étaient en fait des acteurs qui représentaient des cas réels. Et les gens étaient, disons, on les invitait à voter pour leur régularisation. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et le journal Sans Papier était là. Et c'est à vous d'en décider. Il suffit pour cela d'avoir un GSM et d'envoyer rester au 3892 ou un de nos ordinateurs qui se trouve ici derrière vous sur le site quipeurester.be. Pourquoi avons-nous mis des doublures qui incarnent de vraies situations de sans-papiers dans une cage en verre en vous demandant de choisir qui peut rester ? Parce que nous avons voulu que chaque citoyen se retrouve dans cette situation difficile de devoir décider qui va rester sans avoir beaucoup d'informations et sans avoir eu l'occasion d'entendre en direct le demandeur de régularisation. Que chacun se mette dans la peau du ministre pour quelques minutes. Que chacun découvre ce que serait potentiellement la décision sous le régime actuel de régularisation et ressent l'arbitraire des décisions. À vous d'en décider. Vous avez peu d'informations sur eux. Vous en avez quelques-unes. Le nombre d'enfants qu'ils ont, leur état civil, leur pays d'origine, leur âge. Et dirigez vers vers une personne ici. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Christiane, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette maison de verre avec nos 5 candidats alors que les chaises sont en train d'être placées ici ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai fait comme je pense que le gouvernement le fait. J'ai fait le tour ennemi de mec, on tout vit avec, et c'est M. Bozidar qui peut rester. Ah. J'ai l'impression que c'est normal ici. Donc vous avez l'impression, vous vous tirez un peu pit pot pot, ce sera bien lui. Et donc c'est, alors voilà, Bozidar, il choisit pour vous, hein, apparemment. Alors est-ce que c'est une heeft hij een natuurlijke uitstraling? Nee, ik heb eenvoudig afgeteld. Oké, afgeteld. Zo, zo. 1, 2, 3 en voilà. Toevallig is Bozidar. Oké. Dank u, Christiane. Merci beaucoup. Pour nous, la politique actuelle est arbitraire parce que à même situation, eh bien, les réponses de l'Office des étrangers et du ministre ne sont pas les mêmes. Arbitraire parce qu'il arrive à l'Office des étrangers de ne pas respecter des règles qu'il a lui-même édictées. Arbitraire parce que certains dossiers sont traités très très vite et d'autres mettent des années à cheminer. Arbitraire parce que les règles du jeu changent tout au long des années. Et tout au long des règnes des différents ministres. Et arbitraire enfin parce que ces règles ne sont, pour la plupart d'entre elles, pas publiques. Je pense que c'est obscène. Mais comme la procédure de renvoi des sans-papiers est obscène. Et donc ça nous met devant l'obscénité du processus. Et je trouve ça très bien. Et évidemment, devoir voter pour que quelqu'un reste, c'est être devant un choix qui est un choix barbare. Et on n'a pas envie de voter. Et j'espère que le 17 juin, quand il y aura la manifestation nationale pour la régularisation des sans-papiers, j'espère qu'on sera des milliers à refuser ce type de vote. D'accord, merci beaucoup, je pense que c'est assez clair. Il y a plus de 10 ans, j'ai par hasard assisté en ville au déjeuner d'un ministre avec sa secrétaire. Il y avait un dossier comme ça, et c'était des admissions. Et le ministre, à un moment, a dit « Oh oui, celui-là a une bonne tête, on peut le laisser entrer. » Évidemment, je ne vais pas vous révéler de nom, mais je trouve que c'est assez grave et que ça justifie ma présence ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Si on compare ces matières, pensez à des matières fiscales, à des matières d'environnement, on constate qu'en Belgique, on peut très facilement joindre des fonctionnaires, être reçu courtoisement, poliment et de manière efficace. En droit des étrangers, c'est l'exception lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui vous répond efficacement, rapidement et je dirais même poliment. Est-ce que vous pensez qu'il y a des critères plus intéressants que d'autres pour pouvoir déterminer si quelqu'un peut rester dans le pays ou pas ? Mais je pense effectivement qu'il y a quand même des critères qui doivent être pris en considération. C'est par exemple le fait d'avoir des enfants en scolarisation, le regroupement familial. Tout ce qui est lié à la famille, je pense, doit être pris en considération. Alors le caractère politique aussi, si le réfugié est politique, il est évident qu'on ne peut, ça ne se discute même pas. Il faut essayer de supprimer ce préjugé et penser que quand un garçon de 17 ans se met dans un train d'atterrissage d'un avion pour venir à Bruxelles, il le fait au risque de sa vie. Il doit y avoir une raison, on ne risque pas sa vie pour rien. Et j'espère que l'humanisme qui caractérise quand même des pays comme le nôtre, et comme la France aussi, comme l'Angleterre, j'espère que nous allons avoir une politique beaucoup plus humaine que celle qu'on a eue jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, une grande explication très claire, très directe. Et donc voilà, l'appel est lancé pour le 17 juin, la grande manifestation. Si ce que nous demandons passe, demain, il y aura la possibilité d'avoir ce fameux contrôle externe sur la continuité des décisions. Actuellement aussi, donc, le ministre est totalement libre dans son jugement. Vous vous en serez rendu compte après tout ce qu'on vous a dit. Eh bien, demain, si nos propositions passent, le ministre sera en tout cas lié par l'avis remis par cette commission. Il pourra évidemment s'en écarter, mais il devra motiver son choix de s'en écarter. Et enfin, dernier point, actuellement, il n'y a pas d'échéance pour les décisions rendues par l'Office des étrangers. Et donc, ce que propose le FAM, c'est qu'il y ait une échéance. Vous devez savoir que normalement, toute administration doit donner un avis dans les 4 mois. La proposition du Forum Asile et Immigration, c'est que l'administration doit remettre un avis dans un délai de 6 mois, et que s'il ne le fait pas, eh bien alors un titre de séjour temporaire soit accordé aux personnes. L'exil est toujours un déchirement et un drame pour celles et ceux qui y sont contraints. Que les représentants des autorités compétentes des pays supposés d'accueil considèrent chaque cas avec l'humanité qu'ils souhaiteraient trouver si, par un concours de circonstances inversées, eux-mêmes étaient obligés de quitter leur terre natale. Salvatore Adamo. Donc vous aurez compris que ce reportage relatait à la fois ce qui s'est passé sur la place elle-même de la Monnaie avec cette vitrine et la conférence de presse donc, qui s'est tenue à côté. Vous aurez entendu par ordre d'apparition Frédéric Maoué, qui est directrice du CIRE. Ensuite on a eu Luc Dardenne, qui était là aussi. Steve Houben, que vous entendez encore au saxophone. Et Jean-Marc Picard, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Voilà, c'était donc cette action qui a eu lieu mercredi et qui avait donc essentiellement pour but de dénoncer l'arbitraire de la procédure de régularisation. Alors ce soir on a un invité sur le plateau, alors il s'agit de Olivier Stein qui est avocat, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et avant qu'on parle des différents cas pour lesquels on t'a invité, tu voulais réagir sur ce reportage? Ah non, de façon générale, je disais que les propositions qu'on retrouve là, c'était les propositions de la loi, les propositions de la loi UDEP qui a failli passer il y a peu de temps avec des critères clairs et précis pour la régularisation, ce qui permettrait de sortir de l'arbitraire. C'était... D'accord, parce que en fait, c'est le fil conducteur de cette émission aujourd'hui. Il y en aura d'autres au cours des prochaines émissions, l'économie notamment. Et là, le fil conducteur, c'est l'arbitraire. En matière de droits des étrangers et de séjour qui mettent profondément à mal les principes juridiques classiques, en tout cas. Toi, tu suis particulièrement le cas, tu es ton cabinet, l'avocat d'une famille qui s'appelle la famille Ferizage. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans quelle situation se trouve cette famille? Donc c'est une famille qui à l'origine venait de Yougoslavie, mais là on parle d'il y a 8 ans, qui a dû fuir la guerre, maison brûlée, une situation terrible, je ne vais pas entrer dans les détails, qui arrive ici en Belgique, qui demande l'asile dans un premier temps, mais l'asile peut être refusé pour des raisons qui n'ont pas trait à la vérité de ce qu'ils disent, mais simplement au fait qu'ils trouvent que ça ne rentre pas dans la Convention de Genève, pas assez politique, n'entre pas dans l'une des définitions bien précises juridiquement qui existent. Donc après avoir échoué à leur demande d'asile, ils viennent demander la régularisation et leur demande de régularisation met 3 ans à être traitée. Au terme des années qui étaient passées entre-temps, parce que la demande d'asile avait aussi elle-même pris très longtemps à être traitée, ben les personnes, il y a 2 enfants qui sont nés dans le pays, les 2 autres qui étaient tout petits en arrivant, donc qui sont déjà scolarisés aussi, toute la famille est intégrée en Belgique, les enfants ne parlent même pas d'autres langues que le français, ils commencent juste à apprendre le néerlandais, mais c'est une autre question. Et donc voilà, la famille est complètement désemparée. Alors, ils demandent encore la régularisation. Qu'est-ce qu'on leur répond à leurs fils des étrangers? On leur répond qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour être régularisé. Aussi bien des circonstances exceptionnelles pour demander l'autorisation en Belgique que des circonstances exceptionnelles pour rester. Alors, l'Office des étrangers ne se prononce pas sur la question de savoir s'ils ont des circonstances exceptionnelles pour rester, mais ils disent qu'ils ne voient pas de raison pour lesquelles les personnes ne pourraient pas rentrer faire leur demande depuis la Yougoslavie. Ça, évidemment, c'est ridicule, parce que les enfants sont scolarisés, ce serait une épreuve terrible, ils n'ont pas d'argent pour aller là-bas, vivre des mois le temps qu'une décision soit prise. Donc, ce n'est pas du tout acceptable comme réponse à leur donner. D'accord. Alors, on va écouter un petit reportage qu'a fait Marie autour de cette affaire-là et autour d'une manifestation de soutien qui a eu lieu. Vous savez, les corvées sur les déplacements. Vous savez, on attend ici. Les corvées sur les déplacements. De plus en plus, mais ceux qui passaient, passaient pour le pique-nique ici. Ce n'est pas du pique-nique, mais la vie qui ne peut pas être en danger. Vous parlez de l'intégration. Quelqu'un qui vit en Belgique pendant 8 ans, cette personne, elle n'est pas intégrée ici en Belgique. Qui peut le dire? À l'office, si quelqu'un peut me répondre, il peut sortir ici. Nous, les sans-papiers, nous sommes ici. Nous sommes victimes de tout. Nos nations sont exploitées. Nous sommes dans des guerres. Qu'on ne connaît même pas l'origine de ces guerres. Pour venir ici en Belgique, rentrer ici en Belgique, c'est un crime encore. C'est un crime ici en Belgique. C'est un crime ici en Belgique. C'est un crime ici en Belgique. Et là où on va nous accueillir, c'est dans des centres fermés. C'est dans des centres fermés. Pourquoi? Rien, parce que vous êtes ici en Belgique. Donc vous avez fait un faux pas. Il ne fallait pas venir ici en Belgique alors. Vous savez tous, un sans-papier, qu'est-ce qu'on appelle un sans-papier? C'est sans droit, qui n'existe même pas. Dans un pays de droit, un être humain qui n'a aucun droit. Nous, les sans-papiers ici en Belgique, on n'a aucun droit. On n'a aucun droit ici en Belgique. Nous n'existons même pas. Pourtant, vous savez bien, on paye le logement ici. On paye le médicament ici. Vous le savez très bien. Nous rentrons dans les magasins et nous faisons nos shopping et les TVA. Nous payons pourtant les TVA. Vous savez, nous travaillons au noir. Nous travaillons au noir. Nous sommes exploités ici encore. Donc vraiment, faites un peu d'attention sur les sans-papiers ici en Belgique. Régularisez-nous. Régularisez-nous, s'il vous plaît. Régularisez les sans-papiers. Régularisez les sans-papiers. Un peu de preuve d'humanisme. Un peu, on vous demande un tout petit peu. Il y a 150 000 sans-papiers ici en Belgique qui vivent vraiment dans des conditions précaires, qui risquent d'être expulsés dans des pays qui sont dans des guerres et dans des pays vraiment là où on ne trouve même pas à manger. Pourtant, vous savez bien comment sont ces pays. Vous le savez très bien. Ces pays, ils en ont tout de ces yeux. C'est la population qui est pauvre, sinon vraiment les terres ne sont pas pauvres. Ils en ont des diamants, de l'or, du pétrole, du bauxite, du café, du cacao. Mais pourquoi ces gens-là sont pauvres? C'est une question que vous pouvez me répondre. Moi, en tout cas, en tant qu'Africain, je ne sais même pas la réponse. Parce que tout est dans vos mains. Tout est dans vos mains. Donc nous demandons à l'Office des étrangers de faire tout de grâce, de grâce, de grâce, encore de revoir les dossiers, de réétudier ça profondément, ce que vous le dites, que ça soit fondé aussi. Vous savez tous, la Belgique a signé la Convention de Genève, l'asile. Et ici, tout est non fondé, tout est non fondé. Et pourquoi vous avez construit tous ces grands bâtiments pour nous alors? Si c'est pour nous dire que c'est non fondé, il fallait même faire une case ici. Oh, c'est non fondé, on continue. Pourquoi financer ces grands bâtiments pour nous? Pourquoi? Je vous pose la question. Monsieur et Madame Teresa ont 4 enfants, Nora 11 ans, Canina 10 ans, Fationa 8 ans et le petit dernier Armand 5 ans. Ils vivent à Schaerbeek depuis 8 ans et leurs 2 derniers enfants sont nés chez nous en Belgique. Tout le monde a encore en mémoire la terrible guerre qui a déchiré la Yougoslavie avec son cortège de tueries et de massacres sans fin. Les ferrissages ont fui leur pays en guerre, la Yougoslavie, pour sauver leur vie, abandonnant derrière eux une maison en cendres et tous leurs avoirs. C'est une décision terrible qu'il a fait son propre pays, mais rien ne les retenait plus, aucune attache, aucun lien. Les 4 frères et sœurs de madame ont fui à la même période et sont reconnus aux États-Unis comme des réfugiés politiques. La famille ferrissage s'est implantée chez nous et leurs enfants vont à l'école numéro 10 de Schaerbeek. Pour souvenir à leurs besoins matériels, monsieur et madame Ferrissage travaillent. Naturellement, ils risquent extrêmement sensibles aux problèmes de ce qu'on appelle les sans-papiers. Et pendant plusieurs mois, ils ont activement participé à l'occupation de l'église Saint-Suzanne. Parallèlement, ils ont introduit une demande officielle de régularisation. Cette demande a été repoussée par l'Office des étrangers qui argumente en exigeant que cette demande soit introduite depuis le pays d'origine. Et en conséquence, la famille Ferrissage a reçu un ordre de quitter le territoire pour le 4 avril 2007. À cette date, la famille serait expulsée de notre pays vers le Kosovo. Et tout cela sans aucune certitude. Si sinon qu'un délai de plusieurs mois sera à nouveau inévitable pour que ce nouveau dossier soit traité. On peut se demander raisonnablement comment cette famille à nouveau déracinée pourrait subsister dans ce pays devenu étranger, ne disposant plus aucun réseau social ou familial. Voilà le communiqué qui a été envoyé il y a quelques semaines ici pour soutenir cette famille. On dit qu'au Conseil d'État, dans l'administration du Conseil d'État, les recours de sans-papiers sont plus de 40 000. 40 000 personnes qui attendent depuis des années une réponse à leur demande. Le Conseil d'État lui-même a déclaré l'année dernière qu'il faudrait entre 10 à 15 ans pour pouvoir examiner tous les dossiers. C'est impossible. C'est impossible pour cette administration, comme pour le gouvernement, de laisser sans solution des milliers de personnes à cause justement de leur procédure d'asile, à cause de leur retard, à cause de leur administration. En 1999, il y a eu une régularisation importante en Belgique. Plus de 40 000 personnes ont pu obtenir des papiers. À cette époque, le Premier ministre Verhofstadt avait déclaré que la réforme de la procédure d'asile était nécessaire pour ne plus jamais retomber dans une situation pareille. Pour ne plus jamais laisser des milliers de personnes dans l'attente. Le gouvernement, en 2000, a déclaré que c'était un des travaux de ce gouvernement, la réforme de la procédure d'asile, pour que plus jamais des milliers de personnes tombent dans la clandestinité en tant que sans-papier. La réforme de la procédure d'asile n'a été effectuée qu'en 2006, 6 ans après. L'arriéré qui avait été acquis en 98-99 est additionné à l'arriéré acquis de 2000 à 2007 aujourd'hui, et on peut imaginer la situation. Les ONG déclarent qu'il y a entre 100 à 150 000 personnes vivant en Belgique en tant que sans-papiers. Voilà pourquoi on réagit et qu'on réagit depuis longtemps pour que cette politique inhumaine change, pour que les personnes qui sont tombées dans la clandestinité par manque de solutions structurelles soient régularisées d'un juste droit, le droit de pouvoir vivre dignement comme tout le monde ici en Belgique. Merci. Comme vous le savez très bien, il y a des milliers de gens qui souffrent, qui occupent des églises et plusieurs familles, femmes, enfants et hommes se retrouvent à l'heure actuelle dans des centres fermés en Belgique. Ici, on enferme les enfants. Ici, ce sont les agents de surveillance qui préparent les biberons dans des centres fermés. Ici, ce sont les agents qui prennent chaque jour des comprimés pour gérer le stress de voir que leurs enfants sont libres à la maison, mais les enfants de sans-papiers sont privés de liberté. Voilà pourquoi, ensemble, réunis en ces lieux, nous demandons la régularisation de sans-papiers. Nous ne sommes pas là pour mendier, mais nous sommes là pour revendiquer notre droit. Mais ça veut dire qu'il y a un ballon parce que j'ai une coccinelle là. Donc, il y a quelque temps, il y a l'UDEP qui s'est battu pour créer une loi qui serait la loi UDEP, avec des critères clairs et précis pour permettre les régularisations. À l'époque, le grand argument du ministre pour dire non, ça a été de dire « il y a trop de situations humanitaires exceptionnelles, il y a trop de situations différentes, je veux pouvoir prendre chaque cas humain à part, en tenir compte pour voir, pour éviter qu'il y ait des situations exceptionnelles dans lesquelles les personnes ne reçoivent aucune aide. Donc par humanité, je refuse une loi avec des critères précis pour m'adapter aux situations humanitaires individuelles. » Eh bien, maintenant, on a la preuve qu'il mentait. Pourquoi ? Parce que quand on voit une situation humanitaire aussi évidente que celle de la famille ici, on peut s'assurer que le ministre, en refusant les critères, tout ce qu'il fait, c'est s'assurer qu'il aura un pouvoir arbitraire toujours plus grand. Et l'arbitraire ne lui sert pas à être toujours plus gentil, à être toujours plus ouvert aux circonstances humanitaires. Non, l'arbitraire lui permet de mettre des critères extrêmement stricts, de refuser un maximum de monde et de faire des décisions qui sont profondément politiques et par rapport auxquelles les personnes ne peuvent avoir aucun recours. Alors, C'est une famille qui vit depuis 8 ans ici, dont les enfants sont scolarisés ici, dont certains sont nés ici, n'obtient pas la régularisation. On a la preuve que le ministre tout seul n'est pas capable de décider quels doivent être les critères pour régulariser les gens. Et il est temps que des critères se trouvent dans la loi pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on demande à cette famille? On demande qu'il y ait des circonstances exceptionnelles qui les empêchent de retourner dans leur pays. Circonstances exceptionnelles, il y a une définition qui a été donnée par le Conseil d'État. Il faut qu'il soit particulièrement difficile de rentrer. Donc retourner dans un pays, attendre pendant des mois devant une ambassade, attendre alors qu'on n'a aucun réseau social, alors que les enfants devraient être à l'école, attendre dans ce pays pendant des mois, ce ne serait pas des circonstances exceptionnelles, ce ne serait pas particulièrement difficile de devoir rester dans ce pays-là où les enfants ou toute la famille a subi un traumatisme. Moi, je pense que là, il y a clairement des circonstances exceptionnelles et je ne comprends vraiment pas comment on peut avoir une analyse différente de la situation. Celle qui a traité ces dossiers ou celui qui a traité ces dossiers peut essayer de les voir, les dossiers. Ce n'est pas tard, car elle est ici. Elle ne peut pas poser, vous savez très bien. Même si vous donnez encore 1000 ordres de quitter le territoire, elle est là. Si vous pouvez, vos machines sont à vous. Vous tapez même maintenant. Vous nous envoyez par le fax ici. Parce qu'on a un fax ici des sans-papiers. Ouais, on a ça. Vous nous faxez ça ici encore hors de quitter. On va aller où? On va aller où? On va aller où? Où? Nous allons récupérer nos ballons et nous allons lâcher nos ballons en signe de liberté. Parce que les ballons sont libres. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Donnez-nous. Donnez-nous. Nous allons ensemble lâcher ces ballons en signe de liberté. Chacun de nous a droit d'être libre sur terre. Lâchons ces ballons en signe de liberté. Bien, donc une situation structurelle qui touche de nombreuses familles en Belgique. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un avocat peut faire face à une telle situation, puisque manifestement c'est d'abord un problème politique, mais il faut quand même défendre les gens de façon individuelle ou collective. Est-ce que en tant qu'avocat, vous vous sentez pas un petit peu dépassé par ce genre de situation? J'ai une amie avocate, Selma, qu'on entendra plus tard sans doute, qui dit qu'il faut faire rentrer les étrangers dans le champ du droit. Il faut faire rentrer le droit des étrangers dans le champ du droit. Et donc, pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Pour le moment, on est plutôt en train d'essayer de demander une faveur gentiment que d'essayer d'appliquer les règles. J'ai des foules d'illustrations de ça. Le cas d'une femme enceinte, enceinte d'un Belge, elle se retrouve dans un commissariat parce qu'elle leur demande la protection un soir où elle avait un peu peur. Dans les heures qui suivent, on tente de l'expulser vers son pays d'origine. Donc c'est une situation dramatique. Elle risque de ne pas pouvoir accoucher là où est son mari, et ainsi de suite. Et dans le PV de police, il n'y a aucune trace du fait qu'elle aurait signalé qu'elle était enceinte d'un Belge. Alors donc devant le Conseil d'État nous dit « Ah non, parce que les policiers et l'office des étrangers ont décidé en n'étant pas au courant de cette information et nous on juge sur base des éléments dont eux disposaient. Donc leur décision n'est pas illégale. » On va en chambre du Conseil qui vérifie la légalité de la détention. Ils disent « Ah oui, il y a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la vie privée et familiale. » Mais on ne peut pas l'appliquer parce que nous, on vérifie juste la légalité de la détention. Et donc, de tribunaux au tribunaux, on se retrouve devant des gens qui nous disent « En opportunité, vous avez tout à fait raison, mais nous ici, on vérifie la légalité, nous ici, on vérifie ceci, cela, et donc on ne peut rien faire. » Et donc, on se retrouve avec un enchaînement comme ça de circonstances qui fait qu'il y a beaucoup de cas où on ne peut rien faire. Je pense que deux choses qu'on peut faire, c'est d'abord les tenir au courant de leurs droits, faire quand même en sorte que les procédures soient bien faites, parce qu'il faut reconnaître que parfois, il y a aussi des problèmes au niveau de la façon dont les avocats défendent les étrangers, puisqu'ils n'ont aucun moyen de réagir. Ben parfois, il y a des gens qui en profitent. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est aussi être honnête avec eux et leur dire dans quelle situation ils sont exactement, justement pour que parfois, ils en tirent les conséquences au niveau de leur comportement de tous les jours. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait partisan de l'idée que les sans-papiers doivent s'unir et qu'il ne faut surtout pas se voiler la face en croyant qu'on est face à un problème juridique. Beaucoup de comités de soutien, beaucoup de groupes de sans-papiers se disent... j'ai un dossier chez un avocat, donc il doit y avoir quelque chose en cours, il y a quelque chose qui se passe pour moi, d'autres sont en train de lutter. Ben, c'est vrai, certainement, on ne baisse pas les bras, et ça on peut en être certain. Mais d'un autre côté, croire qu'un problème politique va se régler par des gens qui utilisent le droit, c'est vraiment une erreur. Et donc il y a un projet de loi qui avait été préparé notamment par l'UDEP, donc finalement un collectif de sans-papiers qui faisait une proposition de loi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet de loi et qu'est-ce que c'est que l'UDEP pour les gens qui ne savent pas? Donc l'UDEP, c'est l'Union de défense des sans-papiers, c'est une forme de syndicat de sans-papiers. Donc dans le cadre de l'occupation de Saint-Boniface, c'était la première fois qu'il y avait une occupation où il y avait tous des gens de nationalités différentes qui se rassemblaient pour avoir un combat collectif. Ces gens-là ont tous été régularisés, mais plus que ça, ils ont ensemble réussi à porter un combat qui était un combat pour tous les sans-papiers. Et réunis en grand concile dans l'église, ils ont établi ensemble une loi qui a été proposée. Elle a été proposée et la plupart des partis, enfin à l'exception du MR, l'ensemble des partis francophones suivaient. Plusieurs partis flamands ont hésité et à la dernière minute, certains représentants de la droite dure, y compris francophones, ont fait en sorte que la loi ne puisse pas passer. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parce qu'on est en période préélectorale et on n'en entend plus énormément parler finalement de cette loi UDEP, alors qu'un certain nombre de partis avaient dit, écoutez, si nous remportons les élections, que nous pouvons constituer une majorité Des partis ont dit que la régularisation serait à l'ordre du jour, mais bon, dans la régularisation, il y a la régularisation one shot. On a fait des conneries pendant 8 ans, on a laissé des gens en prendre plein la gueule, travailler au noir, être victime des marchands de sommeil, et ensuite on régularise la situation a posteriori. Et il y a l'autre chose, qu'est-ce qu'on propose, c'est une loi définitive avec des critères pour la régularisation. Comme ça, on n'aura pas à régler 8 ans en retard les problèmes qu'on a créés. On pourra dès le début voir le cas et envisager s'il est possible, sur base d'un certain nombre de critères, de le régulariser. Donc les critères de la loi UDEP sont au nombre de 5. C'est de l'ordre de la longue procédure d'asile, la maladie, le projet d'insertion socio-économique. Et j'en passe. Et les différents partis ont repris certains critères, en ont enlevé d'autres. Il y a certains critères qui font un peu plus peur. On peut en débattre, c'est pas tabou, mais il faut le faire justement, en débattre et le mettre à l'ordre du jour. Donc il y a une loi qui est passée, qui a modifié l'asile, donc se disant pour rendre la procédure plus rapide. Effectivement, elle le sera. Il y a toutes sortes de délais qui ont été raccourcis pour l'étranger, pas pour l'Office des étrangers, pas pour les institutions qui vont devoir traiter la situation. Eux, ils continuent à pouvoir prendre 3 ans pour rendre leur décision. Mais pour l'étranger, là, oui, là, il n'a plus droit à 1 mois pour monter son dossier. Il faut qu'il le fasse en 15 jours. La procédure devient écrite devant la Commission permanente de recours des réfugiés, donc il ne peut plus s'exprimer et invoquer de nouveaux éléments qui lui viennent à ce moment-là. Non, c'est trop tard. Il fallait que ce se trouve dans les éléments précédents. Si vous voulez, à propos de l'arbitraire, je peux expliquer où l'arbitraire se trouve précisément dans les décisions de l'Office, enfin dans les décisions génériques à propos des étrangers. C'est à 3 niveaux en fait. C'est au niveau de la procédure d'asile, au niveau de la régularisation et au niveau des centres fermés. Donc dans les centres fermés, c'est là que c'est le plus évident. Il y a dans les centres fermés toutes sortes de rapports qui ont été faits. Il y a plusieurs. On parle d'une personne qui a essayé de s'enfuir et il l'aurait traîné sur des barbelés. Une partie de sa peau se retrouvait encore sur les grilles. Une vieille femme qui aurait été jetée comme un sac dans une camionnette. Un enfant qu'on aurait fait passer dans les trucs aux aéroports pour vérifier les machines à rayons X des aéroports. Tout ça a été vérifié par des institutions indépendantes, par des ONG très reconnues. Et. On le sait, on demande une procédure d'audit et le ministre le refuse. Donc arbitraire à ce niveau-là, arbitraire dans l'asile, je ne détaillerai pas, mais je dirais que le Conseil d'État, pour infirmer une des décisions prises par eux, met 2-3 ans à se prononcer, 2-3 ans qui ne sont pas suspensifs. Donc vous êtes illégal pendant 2-3 ans, pendant 2-3 ans on peut vous expulser, et si vous arrivez à vous échapper, si vous arrivez à travailler au noir pendant ces 2-3 ans, vous pouvez avoir une décision qui dit qu'en fait c'était pas légal de vous laisser pendant ces 2-3 ans dans cette situation-là. Donc ça c'est très grave aussi, et pour la régularisation, là il y a rien à dire d'autre que le mot arbitraire. On voit des cas, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pourrais en décrire des centaines. Et simplement pour reparler de la famille Ferizage, si on ne les régularise pas, eux, avec toute l'école mobilisée autour d'eux, tous les gens du voisinage, tous les gens de leur rue qui ont signé une pétition pour les soutenir, alors on voit vraiment pas quand est-ce qu'une personne pourra l'être. Merci. Alors on va passer à un autre dossier de la semaine. Là c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque les Afghans qui étaient à leur 33e jour de grève de la faim, semble-t-il, le ministère de l'Intérieur est entré en négociation et leurs dossiers vont être réexaminés. Et donc on va revenir sur cette affaire avec un reportage de Marie. En 2003, je me suis occupée de la grève de la faim des Afghans, qui... qui a duré 23 jours et après laquelle on a eu une circulaire ministérielle qui permettait qu'à terme les gens soient tous régularisés. Ensuite, il y a les Iraniens qui sont rentrés en grève de la faim à l'ULB. On s'en est occupé et là, on a obtenu des garanties, pas garanties, de réintroduire des demandes d'asile. En troisième lieu, il y a eu des Kurdes qui ont fait une grève de la faim, qui ont tous été régularisés, mais uniquement les grévistes. Donc, on n'a pas reconnu le problème des Kurdes de Turquie, on a juste régularisé les grévistes. Ensuite, des Afghans ont refait une action de grève de la faim. Ils ont régularisé uniquement les grévistes. Ensuite, il y a eu Saint-Boniface où ils ont régularisé uniquement les grévistes. Et puis, les Afghans refont une action à Louvain-la-Neuve. Et là, le directeur de l'Office étranger vient chez eux en leur disant « Mais écoutez, la protection subsidiaire va rentrer en vigueur. C'est pour les pays en guerre. Vous êtes un pays en guerre, donc il n'y aura pas de problème. Dès octobre, vous aurez tous un statut. » En octobre, ils vont tous demander la protection subsidiaire et ils reçoivent tous des refus. Parce qu'ils n'introduisent pas de nouvel élément, parce que, enfin, on ne comprend pas très bien la logique. Et donc, on est maintenant dans une situation de blocage complet puisque le ministre ne fait rien entendre. Je suis fatiguée de Doha. Je suis fatiguée. Je veux dire, on ne peut pas nous demander à nous, les avocats, de tous les 6 mois gérer une grève de la faim. On a demandé qu'il y ait des critères, des juges impartiaux, mais là, on est avec un adversaire qui est complètement irrationnel, qui peut vous dire oui, vous dire non, et qui n'a même pas à justifier du oui ou du non. Chaque fois qu'on a accès à une juridiction, on gagne. Sur le dossier des avocats, on gagne, parce qu'on a raison en droit. Et dans la presse, M. De Waal a dit, par exemple, en parlant de moi, cette avocate, elle n'est même pas venue me voir avec des dossiers individuels. Mais on ne doit pas aller voir le ministre avec des dossiers individuels. Il a tellement intériorisé l'arbitraire qu'il croit qu'un avocat, mais on n'est pas dans une république bananière, on ne doit pas aller chez le chef lui dire « Voilà, ce dossier-là, s'il vous plaît, il est gentil. » Ça n'est pas acceptable sur le plan du droit. Je ne comprends pas parce que De Waal, c'est quelqu'un qui a été avocat. Et je trouve que pour quelqu'un qui a été juriste, avoir de tels propos, c'est complètement... Enfin, c'est dingue. Et donc, c'est même pas qu'il est méchant tout le temps. C'est que ça dépend de ses humeurs. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'acceptable dans une démocratie, qu'on dépend des humeurs d'un ministre. Donc, aujourd'hui, on essaye d'avoir un rendez-vous. Sinon, eh bien, on va appliquer les règles que lui a mises en vigueur en droit belge, c'est-à-dire la régularisation à la grève de la faim. Je demande la régularisation de mes clients. Donc ce qu'on va faire, c'est aujourd'hui à 2h, essayer de mettre le pied dans la porte et empêcher qu'elle se ferme. Et donc à lui dire, voilà, maintenant, on veut un rendez-vous. Alors, on ne sait pas du tout si on arrivera à avoir un dialogue avec lui, mais c'est notre last chance. Vous n'êtes pas les bienvenus, je pense. Ils répondent même pas au téléphone, donc non, j'imagine qu'on n'est pas les bienvenus. Peut-être avec nous. Ah, c'est pour ça, c'est vrai que les journalistes accompagnants, ils seront peut-être plus durs pour nous aider. Ça c'est vrai, j'ai l'impression en tout cas. Et si on n'a pas de rendez-vous et on n'a pas de solution aujourd'hui, eh bien, je me mettrai moi-même en grève de la faim avec mes clients et semblerait-il d'autres Belges veulent me suivre dans cette démarche. On verra, on entendra tout à l'heure comment est-ce que cette délégation a été reçue au ministère de l'Intérieur. Mais avant, donc, quelle est la situation maintenant de ces Afghans? Il a fallu effectivement que l'avocate entre en grève de la faim. Ça prouve que effectivement, pour que le droit soit respecté, il faut en venir à la grève de la faim. Et finalement, ils étaient dans quelle situation ces Afghans d'un point de vue juridique? Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais parler longtemps, parce que c'est une situation... En fait, récemment, il y a la protection subsidiaire qui est entrée en vigueur. Donc, c'est une directive européenne. La Belgique n'en voulait pas, elle l'a appliquée à la dernière minute. Le ministère de l'Intérieur a rédigé un projet de loi d'application, si vous voulez. Ils avaient une certaine idée de comment ils devaient le rédiger, mais d'autres cabinets sont intervenus. Le Conseil d'État, section législation, a aussi donné un avis. pour que cette protection subsidiaire devienne quelque chose de différent. Et en fait, le ministre, visiblement, s'en fiche complètement. Quand on voit le projet de loi tel que lui l'a déposé, on voit que c'est ce projet de loi qui continue à être appliqué et qu'il se fiche complètement de savoir que depuis, il y a la section législation du Conseil d'État qui a pu se prononcer dessus et ainsi de suite. Donc, pour devenir plus concret, qu'est-ce que la protection subsidiaire ? C'est plusieurs choses, hein. Il y a un point A, un point B, un point C. Disons que, principalement, c'est une protection subsidiaire qui permettrait de protéger les personnes qui ont été victimes de traitement ou qui risquent d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants. Ça permet aussi de protéger, et c'est là qu'on parle des Afghans, de personnes qui viennent d'un pays en situation de conflit interne ou international et qui risquent dans ce cadre-là une violence aveugle. Ben alors là, si ce n'est pas le cas des Afghans, je ne vois pas dans quel cas on se trouve. Donc je me souviens quand la protection subsidiaire est entrée en vigueur, beaucoup d'organisations de soutien aux sans-papiers se sont dit « Ah, les Kurdes vont avoir... il va y avoir des difficultés d'interprétation pour savoir si les Kurdes risquent cela ou non. » Et finalement, on se retrouve dans des combats d'arrière-garde à devoir expliquer à des gens que les Afghans doivent bénéficier de la protection subsidiaire alors que c'est vraiment de l'ordre de ce qui est le plus évident. Donc voilà. Voilà. Alors on va voir maintenant comment est-ce que cette délégation avait été reçue au ministère de l'Intérieur et si effectivement il y a des problèmes en Afghanistan. On voudrait pouvoir faire un dialogue parce qu'à partir du moment où M. De Waal dit qu'il a régularisé parce qu'en 2003 la situation était très mauvaise en Afghanistan, je vous assure, ben vous avez sûrement la télévision à la maison, vous savez que la situation en Afghanistan est pire maintenant qu'en 2003. Moi personnellement, je n'en sais rien. C'est les Nations Unies qui le disent, hein, donc c'est pas comme quelque chose. Moi, je n'ai pas été voir non plus, mais je te fais quand même confiance aux grandes institutions internationales. Les Nations Unies le disent, plein d'experts sur place le disent. Pour commencer, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui décide, qui négocie. Le ministre de l'Intérieur, je suis né en français, je fais mon mieux en français. Oui, oui, le ministre de l'Intérieur, il fait appel aux instances officielles pour ça. Hein. Donc l'Office des étrangers, le commissariat général des réfugiés à Paris. En ce qui concerne les Afghans, il y avait une circulaire qui avait été prise par le ministre de l'Intérieur. Ah, vous prenez note, vous avez la presse. Alors, ça ne va pas, excusez-moi. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Hein? Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Non, ça ne va pas comme ça, madame. Que vous venez ici avec la presse pour dire voilà, on veut un entretien avec le ministre de l'Intérieur. Ça ne va pas comme ça. Excusez-moi. On vous a téléphoné, on vous a envoyé des mails, on est bien sur place même. C'est pas le ministre de l'Intérieur qui décide là. Mais nous, on a respecté la procédure. Vous savez, et on a parlé avec le responsable du ministre de l'Intérieur. En ce qui concerne les Afghans, il y a une circulaire qui a été prise par le ministre, elle est signée par le ministre. C'est le ministre seul à pouvoir prendre des circulaires ministérielles. C'est son boulot, c'est son métier. Il prend des circulaires ministérielles. Donc c'est sa décision. Une circulaire ministérielle, c'est la décision. Et en plus, c'est pas un arrêt de voyage. Circulaire ministérielle prise par le cabinet du ministre, signée par le ministre. Il est le seul compétent pour prendre une circulaire ministérielle. On négocie pas dans la présence de tout la presse et tout ça. Ça ne fait pas mal. C'est pas une négociation, c'est de la pression. Ah oui, on fait pression pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est vrai. Ça fait trois semaines qu'on vous écrit et que vous ne me donnez pas le rendez-vous. Okay. Je peux vous laisser mes coordonnées et vous pouvez vous engager à essayer de m'obtenir un rendez-vous. Voilà, donc c'était un porte-parole du ministre de l'Intérieur qui ne sait pas exactement ce qui se passe en Afghanistan et qui... trouve qu'on devrait vivre dans un. Enfin, que les gens devraient attendre pendant 6 ou 7 mois qu'on daigne répondre à leur courrier, bien évidemment. Donc on voit que même quand on a finalement le droit pour soi, c'est quand même la lutte qui paye, mais ce sont des luttes quand même terriblement difficiles, parce que quand on doit en venir à la grève de la faim, c'est vraiment le point ultime, mais il n'y a que ça qu'ils comprennent pour le moment. Et comment donc reconstruire tout ça ensemble, un rapport de force, simplement pour que. Voilà, nos gouvernants gouvernent en fonction des mandats qui leur sont qui leur échouent et non pas en fonction de leur humeur personnelle ou de leur idée de l'idée qu'ils peuvent se faire de l'état de l'opinion. Ce qui nous amène à une petite séquence qu'on voudra régulière, qui est donc une séquence qui met plus directement en cause un homme politique ou un parti politique à base évidemment de déclarations tout à fait officielles. Voilà, politique, on n'en veut pas, c'est les sans-papiers de Marseille. Bon, alors nous, politique, on en veut un petit peu quand même. Alors, le son donc, du jour, c'est Louis Michel. Alors, Louis Michel est évidemment candidat et maire aux législatives, mais il est aussi en ce moment commissaire européen au développement, et donc on reviendra là-dessus dans d'autres émissions, parce que le lien entre un certain type de développement, disons, une certaine immigration et une certaine répression mérite d'être fait. Il était l'invité des lecteurs du soir au Parlement européen il y a de ça 3 semaines. Et il a été interpellé là, par un membre du public qui est un avocat qui a plaidé un dossier d'enfermement de mineurs et d'expulsion de mineurs non accompagnés devant la Cour européenne de justice. Et la Belgique a été condamnée sur cette base-là. Alors on va entendre la mise en cause par l'avocat, la réponse de Louis Michel, et ensuite en fin de soirée il y a Jean-Marie Lison de l'Assemblée des voisins qui reprend la parole, alors que vous verrez que la tenancière des débats a un petit peu hâte d'enchaîner sur un drink. On va quand même pas parler des enfants enfermés dans les centres fermés comme ça pendant toute la soirée. On a beaucoup parlé du traitement qu'on réserve aux migrants, et je pense au traitement des plus faibles d'entre eux, à savoir les enfants. Il faut savoir que la Belgique, il y a d'autres pays européens qui n'ont pas choisi cette option-là, mais la Belgique a choisi l'option de mettre des enfants en centre fermé. Et les centres fermés sont des prisons en Belgique. La seule différence, c'est que les gens qui y sont, contrairement aux prisons de droit commun, n'ont commis aucun délit, ils n'ont juste pas des bons papiers. Alors le ministre de l'Intérieur a beau dire que les enfants, ils restent maximum 2 à 3 semaines, il y a plusieurs cas où les détentions se prolongent au-delà de 3-4 mois. Et ce sont parfois des enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui sont comme ça derrière les barbelés en bordure de piste de l'aéroport. Et je pense que, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler de nos valeurs, mais je pense qu'une de nos valeurs, d'abord le respect des droits de l'homme, mais c'est peut-être que les enfants, on ne les enferme pas comme ça dans des prisons. Et je pense que l'Union européenne, et monsieur le commissaire Michel est peut-être en position pour pouvoir le faire, pourrait s'engager à mettre fin dans certains États membres à ces violations des droits de l'homme. Pour ce qui concerne les centres fermés, je connais le débat, et j'assume, j'ai été ministre dans un gouvernement où on a défendu l'existence des centres fermés, parce que, bon, il y a certainement d'autres solutions, sans doute, mais il faut quand même les mettre en œuvre. Et d'abord, je dois vous dire que présenter les centres fermés comme des prisons sans plus, c'est un peu fou. C'est un peu barbelé, monsieur. Oui, mais ça, je suis d'accord, mais il y a juste pas de démagogie, s'il vous plaît. Je pense ne pas avoir... Croyez-moi, je suis très sensible à tout ça. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les enfants qui étaient notamment non accompagnés étaient évidemment les premières victimes exposées, notamment à la traite des êtres humains. Il y a pas mal de cas que l'on connaît de ce point de vue-là. Donc, bon, ça n'est pas glorieux, ça, je n'ai jamais dit que c'était glorieux, mais de là à caricaturer trop, ça, je ne suis pas d'accord. J'aimerais juste vous répondre. En fait, je suis avocat, je pratique cette matière-là, et la Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Belgique. Oui, il y a d'ailleurs des avocats qui se sont spécialisés dans ces matières-là, effectivement, et qui aiment bien. Voilà, et donc la Cour européenne des droits de l'homme, j'aimerais pouvoir répondre à condamner la Belgique pour détention. Je ne suis pas ici pour donner raison à tout le monde. Pour détention des enfants, mais je sais parfaitement, qui sont des structures. Je vous ai parfaitement entendu, et je ne suis pas d'accord avec vous pour dire, comme ça, de manière caricaturale, que c'est une prison. C'est la Cour européenne qui le dit. Que sans. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a dit dans son arrêt du 12 octobre que c'est un régime carcéral destiné à accueillir des adultes et pas des enfants. Vous êtes commissaire européen et vous dites que la Cour européenne... Je n'ai pas besoin de voir que l'on peut espérer un meilleur traitement, sans doute, que l'on peut espérer une situation plus idéale, sans doute, mais je ne peux pas accepter que l'on dise que c'est une prison, quoi en plus, ça n'est pas... C'est un arrêt de la Cour européenne, monsieur le commissaire. Je rejoins ce que monsieur a dit sur les mineurs. Les mineurs non accompagnés ont droit en Belgique à un traitement spécial. On ne parle pas de cela. Il s'agit des mineurs avec leur famille. Et là, une série d'alternatives ont été développées dans d'autres pays européens, notamment de contrôles réguliers auprès d'un poste de police ou de vérification que la famille est bien remplie. Donc, il s'agit de séparer ici les mineurs non accompagnés qui ont droit à d'autres centres, d'ailleurs, qui ne sont pas des prisons, Et je crois que là, il faut un effort de réflexion, un effort d'imagination pour éviter ce que la Cour européenne a effectivement condamné. La société civile voudrait encore prendre la parole. Monsieur Michel. Monsieur, je Monsieur comprends Michel, plus bien c'est très la court, première c'est très fois court. Que j'ai demandé de Monsieur prendre Michel, la parole. Vous nous dites que vous êtes légaliste. C'est très bien, j'apprécie. Monsieur, je suis désolée. La Cour européenne des droits de quand j'ai demandé le premier tour de question, vous n'avez pas pris la parole. Parce que je suis obligée de clôturer la séance, monsieur. J'aimerais bien vous laisser tourner ce soir clôturer la séance, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai entendu, monsieur. La loi soit la loi, monsieur Michel. La loi est pour tous, et quand un tribunal j'espère que le gouvernement corrigera la situation si la loi lui a dit qu'il avait tort. On peut peut-être proposer qu'on amène le DRIC ici, comme ça on continue le débat avec le DRIC. Voilà, alors pour des raisons de respect, on va en rester là parce qu'il faut qu'on boive un drink. On va quand même pas parler des enfants qui sont enfermés dans les centres fermés, qui sont effectivement des prisons, comme la Cour européenne de justice, Cour européenne des droits de l'homme l'a reconnu, ce que Louis Michel, semble-t-il, a appris, mais qui n'a pas l'air de vouloir l'empêcher de dormir sur ses deux oreilles d'humaniste convaincu. Mais bon, c'est assez important parce que on peut être un politique responsable et puis nier finalement des réalités, parce que si on les regardait en face, on pourrait sans doute pas se regarder dans un miroir. Donc tout le travail d'euphémisation est très important. Juste un élément que je voudrais ajouter. Quand c'est arrivé sur le bureau de De Waal et qu'on lui a demandé des explications à propos de cette condamnation, il a dit que c'est un cas isolé, alors que la lecture du jugement montre bien qu'il s'agit de quelque chose de complètement différent. Et il y a aussi Louis Michel qui dit à un moment que c'est quelque chose de temporaire, parce qu'il faut laisser le temps à d'autres solutions de se mettre en place. Ils ont refusé de mettre en place une commission de réflexion sur les alternatives, parce qu'ils refusent les alternatives. Et en ce moment, ils créent des nouvelles places dans les centres fermés, qui sont souvent pires que des prisons, parce que toutes les portes sont ouvertes, les gens peuvent passer d'un endroit à l'autre. Donc moi, en tout cas, je me sens plus oppressé en centre fermé qu'en prison. Enfin, c'est juste mon cas personnel, mais voilà. Donc ils sont en train de construire des nouvelles places pour les familles, parce qu'ils ont vraiment une volonté. Ceux-là sont plus faciles à attraper, ça permet de faire plus facilement du chiffre. Donc c'est ça qu'ils font, c'est ouvrir des nouvelles ailes pour les familles. Et ça fait partie de leur politique aussi. Voilà. Et donc c'est un des enjeux de cette émission aussi, de replacer les responsabilités dans ces dossiers entre les mains des responsables, qui, enfin, on le verra dans d'autres émissions, ont plutôt tendance en général à reporter leur politique un petit peu raciste et un petit peu arbitraire, pour le moins qu'on puisse en dire, sur la responsabilité générale de la population, qui serait naturellement raciste, naturellement fasciste, et qu'il faudrait surtout pas énerver avec des questions de sans-papiers, parce que sinon on aurait des masses hurlantes dans la rue. Mais enfin, en l'occurrence, ceux qui sont aux manettes, on voit que c'est un prétexte peut-être un petit peu commode, et finalement c'est un drôle de fantasme sur la population. On vient se demander pourquoi est-ce que certains se présentent devant des électeurs qui considèrent ouvertement comme des fascistes. Bon, on en arrive déjà à la fin de cette émission. On va la terminer régulièrement par un agenda des mobilisations et des luttes, parce que, comme on l'a dit, même quand on a le droit avec soi, alors quand on ne l'a pas avec soi, c'est encore pire, les choses ne s'obtiennent que par la lutte. Oui, et en fait, ça tombe bien parce que dans les actions qui vont être menées prochainement, il y a deux actions au niveau des centres fermés. Donc la première manifestation, en fait, ça se tient à Merckxplatz le 15 avril à 15h. Et donc c'est spécialement organisé pour dénoncer l'enfermement des enfants et des familles dans les centres fermés. Donc il faut savoir que Merckxplatz et le 127 bis à Steenokerzeel sont les deux centres où il y a encore des ailes spéciales pour les familles. Puisque à Votem, cette aile-là a été réaffectée à l'enfermement d'hommes uniquement grâce à l'indignation et à la mobilisation des citoyens. À Votem également, une action le 22 avril pour remémorer les 8 ans de protestations citoyennes contre la construction du centre en 1999. Le transport en car est organisé, donc rendez-vous au métro Trône à 12h30. Et pour Merckxplatz aussi. Et pour Merckxplatz aussi. C'est deux dimanches qui se suivent et à chaque fois le même rendez-vous. Donc Métro Trône, donc pour Merckxplatz, ce sera, je rappelle, le 15 à 15h. Sinon, le jeudi 12 avril, donc cette semaine, à 18h à Gand, alors le Flüchtlingen Acti Committee, le VAC, qui est très actif auprès des sans-papiers, qui est aussi l'initiateur de la manif à Merxplatz, organise une marche au flambeau pour commémorer un an d'action des sans-papiers à l'église Sint-Antonius. Le départ de la marche a lieu à cette église, au 62 Forelstraat. Sinon, plus régulièrement, en fait, toutes les semaines, vous avez différentes activités donc, qui se déroulent. Alors, notamment les jeudis à 19h à l'église Saint-Bernard, donc c'est rue de la Source au 81 à Saint-Gilles. Pour les activités, donc c'est des réunions à 19h pour des activités créatives Frères de Sang. Tous les lundis, vous avez également la réunion de l'UDEP donc à Bruxelles, à Notre-Dame Immaculée, donc porte d'Anderlecht. Sinon, là, depuis le 21 mars, il y a le festival Couleur Papier qui a commencé. Et donc, il y a des réunions tous les vendredis, entre 17h et 19h, à Bruxelles Laïque, jusqu'au 21 juillet. Et donc, sinon, manifestation tous les lundis devant l'Office des étrangers à 11h. Voilà, bah c'est la fin de l'émission. Alors, ce qu'on voudrait rappeler, c'est que c'est une émission dont les gens qui sont ici ont pris l'initiative, mais qui ne pourra exister que si nous sommes suffisamment nombreux et si les premiers concernés, c'est-à-dire les sans-papiers, participent à part entière à cette émission, ainsi que leur soutien. On pourra aussi poser toutes les questions qui se posent sur la façon de mener les luttes, les rapports entre soutien, entre sans-papiers, les différences de stratégie, les différences de perception aussi liées aux écoles philosophiques qu'il y a dans ce pays. Et on essaiera de couvrir aussi l'actualité internationale, particulièrement européenne, puisque ce sont des questions qui s'opposent dans tous les pays où manifestement il y a un agenda européen extrêmement répressif et qui semble-t-il est lié au superbe marché du travail qu'on nous prépare pour les années à venir dans cette Europe que nous rêvons tous de voir démocratique. Et sans doute que les premiers Européens de cette Europe démocratique devraient être ce qu'on appelle aujourd'hui les sans-papiers. Donc on se retrouve, Inch'Allah, lundi prochain à 19h, en espérant avec beaucoup de monde pour écouter l'émission, mais aussi beaucoup de monde pour la préparer. Au revoir. Attendons ton dossier de visa qui n'en finit pas de grimper les échelons jusqu'à atteindre le sommet. Mais le sommet est long à atteindre. Mais je pense qu'au quotidien, c'est pas people, c'est pas journalistique, c'est pas on lève le poing, mais je crois qu'on peut avoir une grande importance si chacun agit au quotidien quand la liberté et la dignité de la personne humaine est bafouée et chacun peut faire son effort. Et où vont ils? Alors on le branche. Dans ces cas-là, on les renvoie en centre fermé, mais s'ils arrivent à lutter correctement à long terme. Oui, d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. Quand ils partent, ils vont où, par exemple? Donc, non, on parle des sans-papiers. Hein. Eh ben oui, c'est ce que je disais. Oui, donc les personnes sans-papiers sont généralement expulsées de la Belgique. Ah, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est dans ce sens-là. Ah oui, donc on prend l'avion pour les ramener au point de départ. Ça. La chose la plus importante, c'est la liberté de penser, de vivre. Hein. Ça, c'est la chose que tous les pays le réclament. Putain, nous, on l'a, il faut la conserver. Si actuellement, on ne se bat pas pour ça parce qu'on est en train de nous piquer notre liberté en France et en Europe, si vraiment on ne se bat pas pour ça, mais alors on est des ânes, on peut monter tous les groupes du monde qu'on veut.